Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. On s'est croisés en sens contraire. À l'époque, je faisais pas vraiment le fier. Je m'habillais déjà comme un arc-en-ciel. J'étais bien trop sensé, peut-être un peu trop sensible. Tu sais, j'ai jamais vu de modèle dans ces couloirs si cruels. Ils se bagarrent, bagarrent comme des animaux. Et s'il est trop tard, je reviendrai tôt. Je dois bien l'avouer, je ne regarde jamais les victoires de la musique à la télévision, car à part jouer les assemblées consensuelles et connectées, primant l'insipide Haya, ces victoires s'auto-félicitent de leur médiocrité. Pourtant, un triste samedi soir, par fidélité fraternelle, je me suis retrouvé devant ce chaud-froid et médiocre. Eh bien, le bigarré Julien Grenelle a apporté une caution décalée à cette soirée. Mais oublions cet écart et lançons-nous dans nos nouveautés. La première, vous la connaissez peut-être si vous écoutez nos potes de pop and rock. Nous écoutons à présent June and the Jones. Dans cet univers tout blanc, cette fourmilière de glace, je regarde les gens qui passent. Ça fait depuis bien longtemps

serai plus jamais rentré chez moi. Ah, ah. Vous écoutez bien Radio Le Zinc sur la très locale RVR et nous découvrons ce soir le groupe de garçons Amour. Première triplette du soir, c'était donc les garçons de Amour. Et si les deux premiers titres vous étaient peut-être inconnus, le troisième, tendez bien l'oreille, je suis sûr que dès les premières notes, vous allez le reconnaître. Au week-end à Rouen, tous les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps. En bagnole de fortune, variette mélo à la radio, week-end Rital, Strasbourg est sous la pluie. Je voudrais coincer la bulle dans ta bulle, poser mon cœur en personne. Bientôt 17h25 dans Radio Le Zinc et attention, vous allez profiter de Modoïd. sociaux sont de plus en plus en vogue. Restrictions budgétaires, conséquences covidiennes, aucune idée. En tout cas, voici Keys. Un gars, une fille, pour tout de suite ma seconde triplette. Non, non, Nida, toujours pas celle de Belleville. Allez voir les plaines, aller au-delà. Aller voir la mer, nager l'eau des lacs. Se tromper de route en perdant les sens. Être à contre-jour, être à contre-sens. Qui tourne autour de quoi? Qui tourne autour de quoi? Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de... Des phares, effarés par les ondes, suivre les espaces, le monde, s'envoyer en l'air dans les marées basses, regarder le ciel, les avions qui passent, courir les ruelles, traverser la nuit. De nuit, assis dans les cales, décharger l'ennui au bout d'une escale. Commencer le tour, dépasser par son ombre, tourner comme un jour en quelques secondes. Inverser l'échelle, planer sur le monde, qui tourne au soleil quand lui fait sa ronde. Okay. Dans tes pensées. Et à présent, déclic, troisième titre du soir de Keys. Je suis pas pro des mots, je fais quand même ma promo. Je manque de caractère, mais juste assez. Twitter, j'ai mis mes seins sur Insta, posé mes fesses sur Facebook. Je veux pas seulement le buzz, je veux aussi l'argent du buzz. J'aime le malsain, le sens ça, alors je clique là et là sur des photos, des gros titres, toutes ces bonnes putes à clic qui te font bloquer devant ton écran. Comme on s'arrête sur le bas de la route pour profiter d'un accident, lui il est mort sans aucun doute. J'avoue, je sais plus trop qui voir devant mon miroir. J'en ai ma claque, j'ai pris mes clics et mes snaps. Je suis de l'autre côté du black mirror. Je suis pas physique, je suis digital. Je m'excite sur des femmes pixels, celles qu'on imagine qui pourraient t'aimer, sauf qu'elles, elles en baisent mille. Je jongle dans cette jungle, dans cette vie complètement cinglée. Je rajoute un grain de selfie pour lui rendre un peu de sa folie. J'ai pas le cran de me regarder, j'ai pas l'écran pour zapper ma vie en photo. Sans filtre, l'envie sans réseau, c'est frites. J'avoue, je sais plus trop qui voir devant mon miroir. Et si je m'abandonnais là pour un soir. J'avoue, j'en ai raclé pas vous des fonds de tiroir. Pour être seule sans m'en apercevoir. J'avoue, je sais plus trop qui voir devant mon miroir. J'avoue, je sais plus trop qui voir devant mon miroir. Et si je m'abandonnais là pour un soir. J'avoue, j'en ai raclé pas vous des fonds de tiroir. Pour être seul sans m'en apercevoir. Dans les airs, il y a des ondes qui ne m'inspirent pas. Le réseau a ses raisons que je ne capte pas. Dans les airs, il y a des ondes qui ne m'inspirent pas. Le réseau a ses raisons que je ne capte pas. Dans les airs, il y a des ondes qui ne m'inspirent pas. Le réseau a ses raisons que je ne capte pas. Dans les airs, il y a des ondes qui ne m'inspirent pas. Le réseau a ses raisons que je ne capte pas. C'était Keys, c'est frais, c'est sucré. C'est aussi coloré, ou presque, que le vieux smile de Hocus Pocus. Just give me that smile. Come on, no. Oh. I can't live without it, no. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Duh, moi ce sourire. Well, baby, come on. Duh, I can't live without it, no. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Comment ce sourire que je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smilotech avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Just give me that smile. Laisse-moi te dire tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Dame, je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développez les négatifs de ce moment positif. Fixé, fixé, fixé, fixé l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. I can't live without it. No, no, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Oh. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Au début tu restes là. Ils sont en train de danser, cette fille à côté de toi. Saurais-tu lui parler? Après tout, pourquoi pas? Essaye de ne pas trop penser, c'est plus simple que tu le crois. D'être soi-même en soirée, soudain les murs tremblent autour de toi. Le son semble un peu plus fort. Cette soirée n'attend que toi. Avance sans peur. On and on. Quand la fête s'élance d'une seule et même voix. On and on. Le silence rapproche deux êtres parfois. Remarque pas ton regard inquiet à la question comment ça va. Comment vas-tu relancer l'élégance dans ta voix? Tu l'as si bien étudié, c'est plus simple que tu le crois. D'être soi-même en soirée, soudain les murs tremblent autour de toi. Le son semble encore plus fort. Cette soirée n'attend que toi. Avance sans peur. Oh non. Quand la fête s'élance d'une seule et même voix. Oh non. Le silence rapproche deux êtres parfois. Oh, mais non, quand la fête s'élance. s'élance d'une seule et même voix. On and on, le silence rapproche deux êtres parfois. Et des artistes confidentiels qui viennent de toutes les régions françaises, Quizdec que nous écoutons. Ils viennent de Grenoble, ils sont quatre, et ils chantent un second titre tout de suite, Trop tard. Trop tard, trop tard, l'encre s'échange en pastel. Rendez-nous le réel, un premier coup de starter. Remarque, remarque, les néons tournent au vert. Comme c'est du Minitel, décerne sans rappel. Jeudi entre 17h et 18h au 104.6, vous écoutez Radio Lezinc. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les astronautes? Quand vont-ils rentrer? Mais je veux une place parmi les étoiles. Je veux place parmi les étoiles. Mais pourriez-vous me dire si on reste de disponible? Nous les attendons, nous les attendons. Je pense qu'il n'est pas raisonnable de partir sans moi. Emmenez-moi, je saurais me rendre utile. Je veux une place parmi les étoiles. Je veux une place parmi les étoiles. Je comme tous les jeudis, à partir de 17h50, Radio Lozinque va tenter de tirer sa révérence avec élégance et humour ce soir, voire humour noir, avec tout de suite l'énigmatique La Blanche qui nous chante la mort à Johnny. Depuis le temps qu'il accapare les ondes, j'avais fini par croire que ce gars était immortel comme un genre d'organe officiel et qu'on était tous condamnés toute notre vie à l'écouter un peu comme en Corée du Nord. Sauf qu'aujourd'hui, Johnny est mort. Le président, l'air solennel, décréta le deuil national. Puis l'on fit donner les sirènes pour les défuntes cordes vocales. Une queue de grande longueur, digne de l'organe du chanteur, s'étirait à travers les rues. La France entière s'était tue. Aujourd'hui, ça ne va pas fort, car aujourd'hui, Johnny est mort. Ça ne va pas fort aujourd'hui. C'est la faute à la mort à Johnny. Et devant la chapelle ardente, comme Johnny quand il chante, se pressait la foule amoureuse de la star enfin silencieuse. Mais bientôt il y eut des cris et soudain ce fut l'anarchie. Une robuste bousculade rendait hommage au dieu du stade. On commençait à monter, mais faute de siège à casser, le public s'en prit à lui-même en vociférant « Que je t'aime !» Même morte la vivante idole soufflait l'esprit du rock'n'roll et beaucoup rejoignirent Johnny pour un concert au paradis. Aujourd'hui ça ne va pas fort, car aujourd'hui Johnny est mort. Mais c'est un honneur d'être ici et d'être mort avec Johnny. Dans la foule, je t'ai remarqué, radeau perdu dans la marée, avec tes yeux un peu moqueurs, ballottés comme moi par erreur. Alors je me suis approché, je t'ai dit « Johnny, vous aimez ?» Tu m'as dit « J'en ai rien à faire » et tu as commencé à me plaire. J'avais un peu peur qu'on t'entende, qu'on nous insulte ou qu'on nous pende. Il n'y a que les mauvais français qui n'aiment pas. Qui vous savez, je t'ai dit de parler moins fort. Et on est parti sans remords. Puis je t'ai offert un café. Et aujourd'hui je t'aime encore. Ce jour-là ça n'allait pas fort. Ce jour-là Johnny était mort. Ça n'allait pas fort ce jour-ci. Heureusement qu'on s'est repris. Ça n'allait pas fort ce jour-ci. C'était la faute à la mort à Johnny. Amis que l'on a bien connus, Rose. Les bleus dont on ne veut plus. Oh Rose, quand les fleurs un jour éclosent, Rose. Parfois elles explosent, Rose. Tu vois, je t'aurais bien prévenu. Rose, comme pleuvent les écumeuses roses. Parfois j'ai un cœur à blouse rose. Parfois il n'en peut vraiment plus. Oh Rose, si un jour je t'indispose Rose. Si un jour revient l'overdose rose, fais comme si tu n'avais rien vu. Oh Rose, quelles qu'en soient les conséquences rose, même si le ciel nous tombe dessus rose, j'adore tellement les causes perdues. Jamais ne deviens morose, Rose. Tout s'est fané un soir, Rose. Tout s'est flétri, tout s'est perdu. Oh Rose, si un jour je t'indispose, Rose. On lira un beau fait d'hiver, Rose. Taillé sur ton dos nu. Oh Rose, comme s'en vont les choses, Rose. Les amis que l'on a bien connus, Rose. Les bleus dont on ne veut plus. Merci à La Blanche et merci également au Christophe, le Christophe Miossec qui avec Rose vient hanter régulièrement nos playlists dans Radio Le Zinc. Mais l'heure de se quitter arrive et comment le faire en beauté? Nous avons quitté Miossec, nous avons quitté La Blanche, nous nous retrouverons la semaine prochaine à 17h. Le 104.6 vous attend avec Radio Le Zinc et pour se quitter, voici nos amis de Dionysos qui nous offrent le splendide, le faramineux, l'extraordinaire I Love Liu. Bisous messieurs, bisous mesdames.